dernier dinosaure est en rivière d'Aude. L'épiderme gonflé de sang vert bien vivant. Alangui dans son lit, silène patriarche, il protège de son flanc les vignes minervoises et porte sur ses côtes à chair de pierre le duvet de sarment du pays de Corbière. Entre le pic de Nord et le mont Alaric, dans une Amazonie parsemée de pinèdes, au milieu d'un étang de vignes et de roseaux, un héron vient encore parfois tremper son bec dans l'eau. Chez moi le Quetzalcoatl, chez moi le Quetzalcoatl, chez moi le Quetzalcoatl. Puis sous les arêtes de ce squelette immense, dans un poumon poreux de mystérieux dédale, la légende du temps a enfoui les trésors de puissants rois barbares, bardés d'argent d'ivoire, dont l'histoire n'a gravé sur la pierre tombale que ces mots de nuage. Il était une entre le pic de Nord et le mont Alaric, dans une Amazonie parsemée de pinèdes, au milieu d'un étang de vignes et de roseaux, un héron vient encore parfois tremper son bec dans l'eau. Chez moi le Quetzalcoatl, chez moi le Quetzalcoatl, chez moi le Quetzalcoatl. Des donjons nous rappellent les beffrois de ses contes. Citadelle gardienne des routes templières. Souvenir nébuleux de patarins gothiques, Miram, Rocnegad, Nahus, Roc de l'Aigle. Vestiges de vertiges, pans de murs fissurés. Châteaux, fermes, villages, rochers, hiératiques. Entre les plis ridés de vallées oubliés. Entre le pic de Nord et le mont Alaric, dans une Amazonie parsemée de pinèdes, au milieu d'un étang de vignes et de roseaux, un héron vient encore parfois tremper son bec dans l'eau. Chez moi le Quetzalcoatl, chez moi le Quetzalcoatl, chez moi le Quetzalcoatl.